Vous venez de participer, vous voyez, peut-être pas participer, mais d'être spectatrice, parce que c'est vraiment ça, vous avez été spectatrice d'un spectacle un peu particulier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous nous sommes retrouvés dans une voiture, une vieille voiture américaine, dans laquelle il y avait un chauffeur et une actrice, dont on ne pouvait pas être au courant que c'était. Donc on est au courant de rien en fait. Il faut savoir qu'on rentre dans la voiture tout le monde ensemble et qu'il y a juste un chauffeur. Et qu'en fait, nous allons sur la Sibérie, le chauffeur se gare, il quitte le véhicule et... Attendez, parce que quand vous dites la Sibérie, pour les gens qui ne savent pas, qui ne sont pas de la région, ça fait un peu drôle, hein. C'est-à-dire qu'à Boittevillers, il y a un lieu-dit la Sibérie, c'est un plateau au-dessus de Boittevillers. Ouvert à tout vent, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, parce qu'il fait beaucoup plus froid. Enfin, ça n'a pas d'importance. Le fait, c'est que l'on soit dans un endroit isolé, on va dire, où le chauffeur se gare à l'orée d'un bois, où donc on voit qu'il n'y a pas d'issue, et il quitte le véhicule et nous laisse en plan, enfin, entre guillemets. Donc on attend quelques minutes en se demandant ce qui va se passer, et puis la passagère. À l'avant, se retourne et nous conte son histoire, une confidence qu'elle vit avec, au quotidien avec son mari. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est très intéressant, c'est très surprenant parce qu'elle est très très proche du public forcément. On est vraiment à 50 cm d'elle et elle joue tout à fait très bien son rôle. On est vraiment en plein dedans et on l'écoute. Et puis voilà, quand c'est terminé, elle klaxonne, il revient et il ne parle toujours pas. Il nous ramène au village. Donc voilà, c'est assez sympa. Un petit mot, parce que madame est accompagnée, mais la jeune fille ne me fait signe. Non, non, non, non, non, pas parler, pas parler. Donc on va continuer. Et ça vous a fait quoi? Ça vous fait quoi, en fait, d'avoir participé à ça? Qu'est-ce que ça vous procure à l'intérieur de vous-même, quoi? Est-ce que vous avez ri? Est-ce que vous avez été surprise? Qu'est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que ça vous a fait quoi? Mais... Ça nous a surpris. Maintenant, l'histoire ne nous fait pas particulièrement rire. Oui, sourire par moment. Elle nous faut aussi un petit peu réfléchir. Mais c'est surtout le contexte et l'ambiance qui, je trouve, sont importants dans ce jeu de rôle-là. Et pourquoi l'art existe-t-il, selon vous ? Ben, pour pouvoir nous évader, sortir du train-train, pouvoir admirer des choses autres que soi-même et... Allez, allez, vas-y, vas-y, t'as sûrement des choses chouettes à dire. Mais pour s'exprimer, pour dire ce qu'on ressent. Et voilà. Vous avez participé, vous êtes monté dans une voiture avec des inconnus. Est-ce que vous pouvez un peu raconter ce qui s'est passé? Mais d'abord, c'était étrange. Déjà le trajet, qui était superbe, et puis bon, c'est arrêté... à l'orée d'un bois, et là, c'était un peu paniquant, je l'avoue. Vous avez eu peur? Quand même. C'était impressionnant, parce qu'en plus, il y avait la pluie, on était entouré d'arbres. C'était quand même impressionnant. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? La dame était fort étrange, on ne savait pas trop bien ce qu'elle allait nous raconter. Le monsieur était très sérieux, très, très calme. Et voilà, tu te dis, oh là là, cette voiture est magnifique, mais est-ce qu'elle ne va pas tomber en panne? Parce que dans un bois, quand même, il pleut. Vous allez devoir pousser la voiture. Oui, on s'est demandé si on n'allait pas, oui, pousser cette voiture. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand on s'est arrêté à l'orée du bois, monsieur est descendu. Et la dame à côté s'est tournée vers nous et nous a un peu pris comme confidente, nous a raconté que son mari était fou. Mais au fur et à mesure qu'elle... C'est ça, hein, disait, il est fou mon mari. Mais au fur et à mesure qu'elle nous parlait, on s'est rendu compte qu'elle aussi, elle était un petit peu à la masse et pas un peu. Donc on s'est trouvé comme ça de plus en plus avec une personne étrange qui nous parlait. C'est un peu quand même stressant, on se demandait où ça allait s'arrêter, quoi. Est-ce qu'elle n'allait pas nous emmener dans son univers étrange, et comme on était à l'orée du bois, on était un petit peu paniqué. J'exagère, hein. Mais c'était un très chouette moment de spectacle. Et quoi, vous étiez toutes les trois dans la voiture, et est-ce que vous donniez la main? Est-ce que vous jetez des regards? qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous connaissez pas à la base. Vous deux, ouais. Oh, non, les deux pas. Dames, oui. Vous connaissez, deux dames connaissent, et vous pas alors. Non. Est-ce qu'il y a eu aussi quelque chose entre vous qui s'est passé? Des regards Pas trop, on restait, non, parce qu'on était quand même des spectateurs face à une actrice, il y avait quand même ce côté-là aussi. On était à un spectacle, mais on était vite entraînés dans son jeu, quoi. Et nous, on est restés spectatrices et à la fois, on était collées l'une contre l'autre, donc on ne savait pas trop non plus. Mais non, il n'y a pas eu d'échange entre nous. Et vous, vous disiez que vous n'osiez pas vous regarder? Non, on n'osait pas se regarder. Hein? On était impressionnés. Et alors le monsieur est parti, donc dit « Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, elle nous parle? Ah bon, ouais. On était fort surpris toutes les trois de cette confidence. Et puis elle avait un regard terrible. Oui, qui est impressionnant, très, très expressif. Donc là, on n'a quitté pas des yeux. Moi, je riais, je pleurais de rire. Je disais, est-ce que je peux? Je peux rire. J'ai dû prendre un mouchoir pour essuyer l'œil. Mais elle était très impressionnante. Et puis alors, élégante. Et puis, elle prenait son rouge à lèvres tout d'un coup. Elle se remaquillait. On disait, où allons-nous là? Non, c'était très chouette. Ça, c'était formidable. Ce qui est particulier, c'est qu'on est vraiment à 50 cm de l'actrice, quoi. Donc, fatalement, ça devient quelqu'un qui nous raconte une histoire, mais c'est quand même une actrice. Donc, c'est quand même quelque chose de particulier, ça. Je n'avais jamais vécu. Et c'est très chouette. Ouais. Un beau petit moment. C'est la première fois. C'est vrai, la première fois. C'est la première fois que vous assistez à une scène comme ça de théâtre dans la vie, quoi. Oui, c'est formidable. Oui, elle est très jolie. Non, franchement. Son regard, son maquillage, tout. Elle impressionne. Moi, je suis encore impressionnée, en tout cas. Et par ce propos, pardon. Hein. Et finalement, il y en a beaucoup dans la vie, des gens pareils. Des dingos, on va dire. C'était très chouette. Un bon moment. Chouette. Et pour conclure, j'ai décidé de la jouer comme ça, c'est-à-dire pour vous chacune là, à quoi ça sert? On pourrait appeler ça de l'art, parce que vous avez participé à une séance d'art. Ouais. De l'art? Oui, pour moi c'était de l'art. Ouais. Une séance artistique? Oui, tout à fait. Et ça sert à quoi pour vous? Ça sert à quoi? À me nourrir pour le restant de ma vie. Enfin, ça nourrit des bons moments comme ça. C'est un bon moment. C'est un truc bien construit, bien ficelé, bien présenté. Donc c'est toujours très chouette de vivre un bon moment comme ça. Nourriture. Nourriture. Pour vous, ça vous vous avez compris ma question? Oui. Non, et puis c'est une performance d'acteur. C'est vraiment, on se demande, autant de textes, comment elle a pu être dans ce personnage et sans un trou et sans faiblir, sans s'énerver. Non, c'est super. Non. Vous êtes étonnée de la prestation, vous? Moi, oui, très. Très. Aussi proche. Et puis en plus, je connaissais l'actrice. Donc, non. On ne savait pas comment la regarder. Quand on la connaît, on n'osait pas la dire. Et c'est vrai, pas de trou, c'est vraiment une très bonne actrice. On est toutes les trois impressionnées. Oui, au début, on voit donc la personne qu'on connaît qui fait l'actrice, puis après, on voit vraiment la dame qui nous fait les confidences et qui est un petit peu à la masse. Oui. On oublie, quoi. On oublie Anne et on voit là. Donc là, c'est qu'elle joue bien. Elle joue bien. Et puis la voiture, c'est chouette aussi, hein, d'être dans cette... On est emmené dans un univers et ça participe aussi, hein, au truc, voilà. Bah merci à vous trois. Merci. Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Donc ici, autour de la table, on rencontre... Sarah Segura. Oui, Sarah Segura. Et moi, j'avais envie de te rencontrer parce que c'est toi qui as présenté « Un homme est un homme » avec un grand H. Est-ce que tu peux expliquer... Donc c'est un film, je ne sais même pas si je viens de le dire. Est-ce que tu peux raconter ce que ça raconte, ce film, en gros. Mais donc, en fait, le film démarre sur... Je recommence. Donc, en fait, le film part d'une pièce de théâtre qui a été créée par René Georges et Salifou Kientega. C'est une pièce qui se base sur des témoignages réels de migrants, de personnes qui sont parties, qui ont quitté l'Afrique pour tenter l'aventure, comme ils disent. Donc c'est pour tenter de rejoindre l'autre rive, d'aller en Europe en l'occurrence. Et c'est des personnes qui sont revenues après chez eux parce qu'ils avaient échoué dans leur aventure. Et René Georges et Salifou Kientega ont rencontré ces personnes-là il y a quelques années. Et elles ont collecté leurs témoignages. Enfin, ils ont collecté leurs témoignages et ils en ont fait une pièce qui s'appelle Un homme est un homme. Et nous, donc je fais partie de la SBL Comme un lundi avec Pauline et Thibaut. Et on est trois donc, pour le moment dans l'association à avoir fait ce film. Et on savait qu'ils allaient repartir avec cette pièce en Afrique de l'Ouest pour une tournée. Et donc on a décidé de se joindre à eux pour à la fois faire un film et faire des ateliers en parallèle aussi. Des ateliers d'éducation aux médias avec des jeunes et également un blog qui était mis à jour régulièrement et où on pouvait suivre la tournée sur internet. Et donc on a réalisé un film, l'idée était de croiser la pièce, des extraits de pièces avec des témoignages de personnes qu'on avait rencontrées au fil de la tournée. Donc on a fait trois rencontres très fortes. Donc il y a d'abord Hippolyte qui est un jeune garçon d'une vingtaine d'années qui lui veut tenter l'aventure, qui veut partir du Burkina pour aller trouver du travail en Europe. En Amérique. C'est la même chose un peu. Oui, enfin, en tout cas, Hippolyte est un jeune garçon de 20 ans qui veut partir, qui veut aller tenter sa chance aux États-Unis. Ensuite, il y a Awa, qu'on a rencontré au Sénégal, qui, elle, a tenté de rejoindre l'Espagne en pirogue et qui nous raconte son aventure. Et alors, il y a André, qui lui a traversé le désert et qui a fini par revenir au Burkina Faso et qui aujourd'hui sensibilise les jeunes à cette question du départ et du départ illégal surtout. Et donc voilà, nous, l'envie qui était la nôtre, c'était de faire un film sur ces gens qui vivent ces aventures-là au quotidien, qu'on voit à la télé tous les jours et dont on ne sait pas grand-chose au final. On ne voulait pas que ce soit un film pour ou contre les départs, on voulait vraiment que ce soit quelque chose sur ces personnes qui décident de tout quitter et qui partent et qui ne savent pas ce qu'ils vont trouver de l'autre côté, en fait. Mmh. Voilà. C'est sûr, vous ne prenez pas position dans le film, c'est-à-dire que ce n'est pas le but du film de dire si vous êtes pour ou contre, mais vous donnez quand même la parole à trois personnes qui ont... Il y en a une qui a envie de partir... Et les deux autres, il y en a une qui est partie, qui est revenue, et l'autre aussi, quelque part, c'est assez négatif, quoi. C'est chaque fois un peu des... Non ? C'est sûr, vous ne prenez pas position hein, pour dire oui, c'est pas bien, non, hein. Mais au bout du bout, le film raconte quand même quelque chose de négatif, non ? Pour moi, c'est plus complexe que ça, parce qu'il y a les témoignages de ces trois personnes, mais on voit aussi un extrait d'un débat qui a eu lieu après la pièce, après une représentation à Ouagadougou, aussitôt. Et on voit que cette question, en tout cas pour les jeunes là-bas, est vraiment d'actualité toujours. Il y a un jeune qui dit « Moi, j'en ai marre qu'on me dise qu'il ne faut pas aller en Europe. Finalement, si on va en Europe, on va juste récupérer ce que l'Europe a pris à l'Afrique dans l'histoire, et c'est notre droit. » Et donc, pour moi, le film est plus contrasté que ça. Il n'est pas... En effet, Awa et André disent plutôt que c'est extrêmement dangereux de partir de manière illégale, mais ça, tout le monde le sait, tout le monde en est conscient. Et pourquoi c'est dangereux dans le film ? C'est raconté comment, ça ? Tu comprends ? Ils disent que c'est dangereux, si j'ai bien suivi, parce que là-bas, tu vas te retrouver avec rien du tout. C'est pour ça que c'est dangereux. Et puis, tu dois traverser aussi une mer. Enfin, c'est la... Tu peux mourir, quoi. C'est ça, tu peux juste y perdre ta vie, en fait, et tes économies. Donc Mais ça, c'est dans l'idée, on parle de l'Africain qui n'a pas beaucoup de thunes. J'imagine, tu vois, ça aurait été intéressant d'avoir aussi un point de vue de gens africains qui ont la thune et qui ne vont pas mourir en faisant une traversée, pour voir ce que c'est aussi d'aller là-bas, en fait. Tu vois, est-ce que tu comprends ce que je dis ? Je comprends ce que tu dis, sauf que nous, c'était pas du tout ça, le film, en fait. Nous, c'était vraiment de se baser sur la pièce qui était de migrants qui font partie de cette masse, qui font partie des gens les plus nombreux qui meurent en mer. Et nous, c'était d'eux qu'on voulait parler. Les gens qui ont de l'argent pour voyager, on sait que ça se passera bien dans n'importe quelle société. Quand on a de l'argent, ça fonctionne bien en général. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était les gens qui sont quand même 80-90% de la population qui sont prêts à tout perdre pour aller tenter leur chance ailleurs. Oui, mais la j'entends bien, hein, évidemment, c'est le but de votre film. Mais la question, la grosse question, c'est aller là-bas. Parce que là-bas, c'est quoi là-bas en fait? Parce que l'Europe, l'Amérique, c'est quoi là-bas? C'est l'argent facile, mais enfin, c'est parce que quand on parle de gens qui ont de l'argent et qui voyagent, ben ils pourraient aussi revenir. Moi, j'avais vu un excellent comme ça docu sur un vieux blanc qui est sur Internet et qui cherche femme, quoi. Hein, et donc il trouve la jeune africaine et donc je sais plus où en Afrique. Et il va chercher l'Africaine là-bas, il y a une dot et tout, voilà, il ramène son Africaine. J'ai des images fabuleuses en Belgique de l'Africaine qui a tout. Ok, hein, elle est mariée d'une drôle de manière et tout ça, c'est même pas de ça que je discute. Mais qui se retrouve, elle est là, regardez le climat, il fait moche, les gens sont chez eux, il n'y a pas de vie. Enfin, tu vois, c'était intéressant parce qu'on sortait aussi de l'idée... de pauvres ou riches, quoi. C'est-à-dire que même quand tu as l'argent et que tu peux débarquer en Europe, tu peux te dire... Moi, ce que je trouve intéressant dans cette question de l'ailleurs, finalement, c'est le droit au rêve. Parce que pour moi, c'est ça qui est important dans cette question-là. C'est leur droit profond. Pourquoi eux n'ont pas les mêmes droits que nous de voyager? Et c'est ça la question, au final. Quitter, pourquoi quitter? Parce que, en effet... Eux estiment qu'ils n'ont pas d'opportunité dans leur pays. C'est leur vision de leur pays. Voilà, ça leur appartient. Après, moi, ce que j'ai envie de... Nous, ce qui était important pour nous, c'était de se dire, nous, en tant que réalisateurs du film Un homme est un homme, on vient, on part comme on veut. Vous, c'est pas votre cas. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, est anormal. Et finalement, l'envie de partir, c'est juste l'envie d'avoir les mêmes droits que n'importe qui. Je pense que c'est ça qui fait que la pièce s'appelle « Un homme est un homme » et qu'on a gardé ce titre pour le film. Pourquoi certains hommes ont certains droits que d'autres n'ont pas? C'est ça la vraie question au final. Et quitter pour aller ailleurs, c'est normal. Tous les êtres humains rêvent d'aller voir ailleurs. C'est logique, c'est même ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est d'aller voir ailleurs. Bien sûr, tout le monde rêve qu'ailleurs ça se passera mieux, alors pourquoi pas eux? Oui, parce qu'on parle quand même d'un Eldorado. Depuis longtemps, on se dit... Moi, mais il faudrait que je revoie le film. Hein. C'est vrai que quand tu le vois une première fois, donc j'ai bien compris que le thème, c'était redéfini de... Mais le thème, c'est... En lien avec la pièce de théâtre, quoi. Oui, c'est ça. C'est qui sont ces hommes, finalement, qui tentent, qui quittent tout pour une autre vie et qui sont prêts à mourir pour tenter autre chose, en fait. C'est qui sont ces gens? C'est ça, notre question, en fait. C'est pas pourquoi, c'est qui ils sont. Voilà. Qui sont-ils, quoi? Eh ben, quand on regarde qui ils sont, on voit quand même un jeune de 20 ans qui est en galère. Enfin, tu vois, il a pas la vie facile quand même. Hein. Mais il le fait surtout pour sa famille. Il dit toujours, je le fais pour ma mère, je le fais pour mes parents, je le fais pour aider. Finalement, c'est... Quand tu dis je le fais, ça veut dire je le fais, je veux partir pour ma famille. C'est ça. Lui, il veut partir pour les siens. Et on entend sa sœur qui dit, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. En Afrique, on a une famille, c'est super important. On voit cette complexité même au sein d'une famille. Qu'au sein d'une même famille, certains peuvent avoir envie de partir parce qu'ils voient ça à la télé, parce qu'ils ont des amis qui ont vécu ça et qui, quand ils reviennent au pays, montrent qu'ils ont de la thune, offrent des verres à tout le monde, arrivent avec des grosses bagnoles et donnent l'envie à d'autres de partir. Et on voit que sa sœur, elle, se dit « Mais attends, mais en Afrique, ici, on a la notion de la famille, c'est super important, on a une solidarité. » Et on voit à quel point, même au sein d'une famille, tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est ça qui nous intéressait. C'était pas de montrer que tout le monde pensait ça. C'était de montrer la complexité de la situation là-bas aussi. Mais la fille, par exemple, la sœur, elle dit « Moi, je ne veux pas que tu partes si c'est pour y laisser ta peau. Je veux bien que tu partes, mais pas... voilà. » Parce que comme tu disais au début, oui, on... Peut-être ce qui se passe aussi dans... On s'échappe un peu du film et ça fait référence. C'est-à-dire que Nous, on prend un billet d'avion, voilà, on fait des allers-retours. Alors peut-être le truc, c'est de se dire que l'argent chez nous, quand tu vois chez eux, tu vois, le décalage entre cet argent, alors que tout est rapporté là-dessus, tout est concentré là-dessus. Est-ce que tu comprends quand je veux dire, un euro ici, ça vaut je sais pas quoi, mais quand tu vas là-bas avec un ou 50 euros, l'évaluation, c'est comme ça qu'on parle hein, de l'argent belge, puisqu'on va parler en Belgique, puisqu'on est en Belgique, et de l'argent africain, c'est pas du tout les mêmes références, quoi. Donc je peux comprendre qu'un Africain ait peut-être envie d'aller là-bas en ayant peut-être un travail de misère. Mais au fond, il aura un espèce de salaire qui va quand même permettre, je caricature, hein, mais de faire vivre un village. Donc il y a quand même cette référence à l'argent qui n'est pas le même, quoi. Enfin, c'est clair. Oui, bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, les gens qui viennent ici pour trouver un travail, la vie, même ici, devient très dure. Même en tant que Belge, aujourd'hui, quand on a un travail, c'est difficile de payer les factures, d'avoir un loyer, d'avoir des enfants. C'est quelque chose qui, même ici, chez nous, est difficile. Mm-hmm. Donc, la question de l'argent, en fait, on se rend compte qu'elle est présente partout dans le monde. Et la seule différence, c'est que nous, on a le droit de voyager, on a le droit de partir en vacances, on a le droit d'imaginer une vie ailleurs, et eux, pas. Oui, mais pourquoi justement, peut-être une des pistes, c'est de regarder que l'argent n'est pas le même. Je veux dire, tu vas en Inde, c'est hallucinant. Et je comprends que les Indiens te regardent dès que tu es blanc comme quelqu'un de riche, même si tu ne l'es pas, parce que ton argent n'est pas le même. Mais pour moi, ce n'est pas qu'une question financière, c'est une question de politique aussi. C'est une vraie question de politique pour moi. Pourquoi les frontières sont fermées à certaines personnes et pas à d'autres? Et je crois que c'est vraiment ça le moteur. Si les gens étaient bien dans leur pays et s'ils avaient les mêmes droits que n'importe qui, ils n'auraient pas la même urgence de se jeter en mer. Si on a les mêmes droits que tout le monde et qu'on vit bien chez soi, pourquoi on irait risquer sa vie? Donc il y a un problème de politique, mais pas de politique seulement interne au pays, de politique européenne aussi par rapport à eux, mais aussi une question historique. D'où vient leur pauvreté, entre guillemets, dont on parle aujourd'hui? C'est quoi l'histoire de ce pays? Où sont passées toutes les ressources qu'il y avait dans ces pays-là? Et c'est ça que les gens disent, y a, dans le débat du film, il y a un jeune qui dit « Mais vous êtes venu piller, entre guillemets, nos terres, pourquoi nous, on n'a pas le droit de venir juste chez vous aujourd'hui ?» Et je crois que c'est une question légitime à poser, même si on ne refait pas l'histoire, même si aujourd'hui, les gens qui vivent aujourd'hui ne sont pas coupables de ça. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'un pays se fait sur une histoire et sur une histoire d'une politique aussi. Et c'est très important de rappeler. Et ce n'est pas qu'une question économique, c'est vraiment une question profonde, je crois, de politique et du coup d'histoire d'un pays, quoi. Moi, je crois que c'est quand même une question économique très forte. Après, évidemment, la politique, je veux dire, elle n'a pas empêché les gens de circuler. Elle n'a pas à empêcher les gens de circuler. Il faut écouter bien. Moi, je pense ça. Maintenant, ce n'est pas ce qui se passe parce qu'il y a, de ce côté-ci, il y a le racisme, le fascisme, la crise qui se met encore plus en route. Et donc... Oui, la peur, et donc les gens veulent fermer les frontières parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà difficile à manger pour eux, donc on ne va pas partager notre pain. Enfin, c'est une pensée vraiment très vieille, vieille comme le monde, tout ça. Mais essayons de ne pas nous échapper à cette idée-là. On essaye d'aller plus en profondeur, en fait, si tu veux, tu vois, d'essayer de comprendre ce film, d'essayer de comprendre pourquoi on... Les trois personnages, il y en a un qui rêve de partir là-bas quand même pour sauver sa famille. Donc c'est quand même un aspect un peu économique, quoi. Il a envie de faire sortir sa famille de je sais pas quoi là. Parce qu'il s'imagine que peut-être il pourrait gagner plein d'argent. Et en même temps, c'est pas faux. Tu vois, c'est ça que je trouve quand je regarde des films comme ça. On aborde très peu aussi ce sujet-là de se dire ben, oui, lui, il aurait peut-être un travail misérable, mais avec l'argent qu'il, je le répète, hein, comme ça, mais avec l'argent qu'il gagnerait, alors peut-être il arriverait à faire vivre aussi sa famille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le deuxième personnage, c'est la femme. C'est Awa. La femme qui aussi ses galères, hein, elle a dû partir dans un petit pirogue. Ça, c'est la galère, elle doit faire demi-tour, ça se passe pas bien. Et puis le troisième personnage, oui. Il revient. Lui, il revient, il a traversé le désert, et puis il a décidé de revenir. Et c'est quelque chose qui est très mal vécu, en fait, là-bas, quand on revient, c'est un vrai tabou. Comme on voit l'exemple de personnes qui, apparemment, réussissent, qui reviennent en mettant plein la vue aux gens qui sont restés au pays. T'es d'accord que c'est quand même l'aspect financier de nouveau, on revient, on paye des verres, c'est ce qu'ils racontent, quoi. C'est quand même, tout est quand même misé sur cet argent, quoi. Et c'est ça que je dis, peut-être que... voilà, c'est réel. C'est-à-dire que 50 euros ici en Belgique, quand tu vas là-bas en Afrique, tu es, je ne veux pas dire riche, mais ce n'est pas le même... comment on dit ça? Ce n'est pas la même évaluation, quoi. L'argent n'a pas la même valeur, quoi. 50 euros là-bas, waouh, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être normal que, l'Afrique rêve en se disant « Mais moi aussi, j'ai envie d'aller là-bas, c'est possible. » Voilà. Bien sûr que c'est normal. On veut toujours aller là où on pense que c'est mieux. C'est humain. Oui, mais là, c'est l'aspect économique. Parce que c'est ça qu'on essaie. On parlait de début. Est-ce que voilà, quand t'as l'argent... Tu vois, c'était ça que je parlais au début. Parce que, est-ce que quand t'as l'argent et que tu vas là-bas en Europe ou en Amérique, ce serait aussi intéressant d'entendre des paroles de gens pour dire oui, au fond... parce qu'on a toujours que cet aspect-là, tu vois, pour le moment, de l'Africain qui est dans la galère, qui a envie d'aller là-bas pour ramener de l'argent, pour que ça marche bien. Mais ce serait intéressant aussi de voir des gens qui mettent peut-être aussi les valeurs de l'Afrique en avant, quoi. Vous comprenez, là, les valeurs de la famille, là, on se parle encore tous. Il y a quand même du lien les uns avec les autres. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et qu'on parle souvent de l'aspect économique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On veut aller là-bas parce que là-bas... J'insiste, hein, mais pour moi, c'est vraiment au-delà de l'économique. C'est vraiment... en plus, ils en parlent beaucoup. Ils parlent de Tupac régulièrement. Tout ça, c'est aussi toute une culture qui leur parvient par les médias aussi. Tupac, le rappeur Tupac qui est décédé, qui est un musicien, qui est pour eux une référence... Et parce que c'est un noir américain et que du coup c'est des modèles pour eux et qui leur parviennent aussi à travers les médias. Et donc ils se disent, ben voilà, si ces gens-là y arrivent, si Obama aujourd'hui il est président, c'est fou, mais c'est des exemples qui sont hyper importants pour eux en fait. Ça les renforce dans leur idée qu'ailleurs c'est possible de vivre une vie meilleure. Oui, mais ils prennent des images de gens qu'on réussit au niveau... Enfin oui, je ne sais pas expliquer moi... On a tous besoin. Un moment que je trouve très important dans le film, c'est quand il y a ce débat après la pièce et il y a le professeur qui intervient. Donc il y a les élèves qui sont intervenus à plusieurs reprises. Et puis le professeur prend la parole et il dit : mais il vous faut des modèles. Il faut que vous créez des vrais modèles à vous, jeunes Africains. Et c'est quelque chose qui est super important pour moi. Ils n'ont pas de modèles chez eux, donc ils doivent bien aller les chercher ailleurs. Mmh. Et où se trouvent ces modèles ? Ils se trouvent en Amérique, la plupart du temps, ils se trouvent en Amérique, en fait. Et donc, ça les incite encore plus à partir, parce qu'ils n'ont pas de modèles chez eux. Ou en tout cas, ils les ont perdus, les modèles qu'ils avaient. Et donc, ils en trouvent ailleurs, et ceux qui leur parviennent par les médias, c'est ceux-là, quoi. Dis-nous un petit peu, toi, qui as vu le film, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ces discussions ? Voilà, allez, go ! Mais comme je disais avant, ce qui m'a vraiment... touchée, mais d'une manière très positive, c'est la manière très génuine de... Génuine, on peut dire ça en français. Ça veut dire. Génuine. Très naturelle et spontanée et réelle, quoi. Des témoignages, parce que, comme je disais avant, souvent, quand on aborde des thématiques assez complexes et assez médiatisées, on peut dire ça en français, bah souvent, il y a pas mal des idées, des stéréotypes aussi par rapport à l'autre. Et donc, c'est très bien, en fait, de remplacer, en fait, ces stéréotypes avec des vraies histoires, avec des vraies histoires de personnes, en fait. Mmh. Parce que souvent, voilà, c'est... vous voyez ce que je veux dire? Tu as bien aimé le film parce que c'est des témoignages authentiques. Voilà, on entend leurs paroles, elle n'est pas transformée. Oui, ça, et j'aurais bien aimé... d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai posé la question après le film, de savoir effectivement s'il y avait des débats après et comment, en fait, par rapport aux ateliers, aux débats et aux réactions aussi des gens qui ont vu le spectacle, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est ça en fait aussi très intéressant, parce qu'on connaît très bien les débats ici en Europe, on connaît très bien la réaction des gens, on parle beaucoup de ça. Et c'est quoi leur réaction, parce que ça a l'air évident pour toi, mais c'est quoi leur réaction quand tu dis on connaît très bien les débats? Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça, pour que tout le monde se mette d'accord sur quelque chose? Ah, le sens commun et ce que j'entends toujours, c'est qu'il y a trop de migrants, il y a trop de gens qui viennent ici, il n'y a pas de boulot, la vie n'est pas meilleure. On entend pas mal de choses comme ça et ce serait très intéressant. Et puis je connais les débats que je fais souvent avec mes amis, voilà, mais ce sont d'autres débats sur le même sujet, mais voilà, qui ont une voix qui ont voilà, une ligne un peu différente par rapport à ça. Mais je serais quand même très intéressée de savoir effectivement quels sont les débats des jeunes voilà, en Afrique, avant de partir ou quand ils écoutent en fait les histoires de leurs copains, voilà, ils rentrent. Et, voilà, il y a pas mal de... Voilà, c'est la curiosité en fait de savoir effectivement quels sont les débats dans un bar à Ouaga par rapport à ça. Voilà, ça pour moi c'est très intéressant en fait. Sarah ? Mais donc il y a un aperçu déjà pour moi dans le film, on voit que les jeunes en parlent différemment, où il y en a un qui dit, mais donc comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est scandaleux, que, donc le jeune dit ça, je trouve ça scandaleux qu'on ne puisse pas aller en Europe alors que l'Europe a payé l'Afrique. Puis il y en a un autre qui dit, mais quand je vois tout l'argent qui passe quand on paye une traversée pour aller vers l'Europe ou vers les États-Unis, moi je vois tout de suite un pactole pour pouvoir créer une entreprise ici. Donc il y a vraiment... En Afrique, lui voit ça comme ça. Et puis il y en a d'autres qui justement se disent, ben non, moi je vois mes copains qui apparemment y arrivent, puisqu'ils payent des tournées quand ils reviennent, donc je veux y aller aussi. Donc il y a plein de réactions différentes et on en voit quand même un aperçu dans le film, je pense. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était aussi les débats autour de la honte. Parce que moi j'ai toujours... Quand j'écoute ça... La première fois que je pensais à la honte en fait d'une personne qui n'a pas envie en fait d'admettre à soi-même qu'il n'a pas réussi, il n'a pas atteint son objectif. Bon, ça m'a semblé un peu bizarre, je le comprenais pas du tout, mais au final, je le comprends très bien parce que chacun en fait n'a pas trop envie d'admettre à sa famille, à ses amis, à son entourage et à soi-même aussi que voilà, ça n'a pas marché. Et surtout vu les sacrifices que ça demande aussi, pour toute la famille. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis tous les sacrifices de la famille? Mais donc, parce que la famille économise énormément d'argent pour pouvoir payer un passeport, pour pouvoir payer un visa. C'est énormément d'argent que toute la famille amasse pour pouvoir envoyer un membre à l'étranger. Et en plus, bien sûr, on parlait de... La différence de ce qu'on fait avec un euro ici et un euro là-bas, mais malgré tout, la vie ailleurs est aussi plus chère. Le coût de la vie est plus cher ailleurs. Donc, c'est aussi. Je comprends pas ça. Quand on part à l'étranger en se disant que ça sera mieux là-bas, parce qu'on va gagner plus d'argent, mais c'est vrai, mais le coût de la vie est aussi plus élevé là-bas. Et donc, c'est extrêmement difficile pour énormément de gens qui arrivent en Europe d'arriver à trouver un travail déjà, parce que quand on n'a pas de papier, on tombe souvent sur des boulots qui ne sont pas légaux et on est complètement exploité. Et puis quand ils arrivent à trouver un travail, il faut encore qu'ils arrivent à payer leur logement. Et quand ils viennent faire leur vie ici, peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un, avoir envie d'avoir des enfants. Donc il y a des frais supplémentaires et en même temps, on sait que la famille compte sur nous. C'est une charge qui est énorme. On sait tous les sacrifices que la famille a fait pour qu'on puisse être là. Et on se sent redevable. Et c'est extrêmement lourd aussi à porter ce choix, en fait. Enfin, et dans la famille d'Hippolyte, qui est le jeune garçon qui rêve de partir, les parents ne veulent pas forcément qu'il parte. C'est lui qui se met ça en tête. C'est lui qui voit ses copains qui peuvent payer une maison, une voiture à leur famille, à eux. Et il se dit, mais moi, je veux la même chose pour ma famille. Et c'est lui-même qui s'investit de ce rôle-là, alors que la famille, elle veut juste qu'il reste là. Mais lui, il ne voit pas le sens. Il dit qu'il n'a que des petits boulots qui ne le valorisent pas, dans lesquels il ne se retrouve pas, qui ne paye pas assez. Son papa est malade aussi. Sa maman est plus âgée. Et donc, voilà, ils ont de quoi vivre, mais pas de quoi rouler sur l'or. Et pour Hippolyte, ce n'est pas assez. Il veut plus. Et c'est normal, il a 20 ans. S'il y a 20 ans, on ne peut pas rêver. À quel âge est-ce qu'on peut rêver? mais... Ben oui, voilà, on est occupé, hein, mais peut-être aussi, et après on va un peu boucler l'histoire, mais peut-être, je ne sais pas si vous allez me suivre dans mon délire. Mais peut-être le problème, maintenant, écoutez-moi bien, hein, je ne suis pas raciste, je ne suis pas fasciste. Moi, je trouve que je suis humain de la Terre et tout le monde devrait pouvoir voyager les uns avec les autres. Regardez, on se rencontre, on se nourrit, on discute. Mais à la base, quand on remonte à l'origine un peu du monde, alors je sais, j'y étais pas, hein, je m'imagine, mais j'ai déjà entendu dire que quand tu naissais dans un village, ici en Belgique, hein, je fais des références, parce que je connais un peu le pays du coup, puisque je suis née dedans, c'est que quand tu naissais dans un village, en gros, tu mourais dans ton village. C'était rare les personnes qui étaient mobiles, à voyager. Enfin, voilà, tu... Et puis, le temps a passé, la modernité est arrivée, les avions ont fait un bond prodigieux. Rappelez-vous, avant, ce n'était pas n'importe qui prenait l'avion. Regardez aussi un peu, est-ce qu'on peut vraiment se remettre quand tout... Voilà, ça, c'est une chose. Et puis, tu as l'Afrique. Et... Est-ce qu'on peut se plonger comme ça dans une pensée? Est-ce qu'on peut penser l'Afrique avec notre pensée à nous, quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, du coup, il y a des comparaisons qui sont faites que limite, on ne devrait même pas comparer. Je veux dire, et c'est peut-être ça le gros dilemme de notre époque. C'est que... Avec la modernité, il y a du bien dans la modernité, ça va. Hein. je suis pas là. Mais c'est peut-être l'Afrique qui regarde à la télévision une vie de dingue, parce que nous vivons des vies de dingue. Hein. Regardez, on est là occupé à prendre du temps, à discuter le monde. Qui peut... Enfin, quand on regarde sur la Terre, tout le monde n'est pas prêt à... Enfin, je veux dire... Il y a des gens qui cassent des cailloux pour pouvoir manger, quoi. Vous voyez des trucs comme ça. Alors je sais, je vais un peu dans les images fortes, mais pour que vous compreniez un peu le sens de ma pensée. Et que du coup, ben, l'Afrique, elle a aussi envie, parce qu'elle a toute une histoire, hein, elle a aussi envie de manger la part du gâteau. Hein, c'est normal, là-bas, sans rien faire, t'as des allocations, quoi. Mais ne le prenez pas, je veux dire, moi je suis la première à en bénéficier, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Mais donc, imaginez-vous, enfin, mettons-nous dans la tête de d'autres gens qui voient que dans certains pays, tu as des droits, quoi, tu as des droits, tu as une solidarité, bon, maintenant qui est un peu à partir en cacahuète pour le moment, là, mais je veux dire, voilà, est-ce que c'est un grand point d'interrogation, vous voyez, en comparant les mondes les uns avec les autres, avec cet argent au milieu qui ne représente pas la même chose, qui n'a pas la même histoire. Et je suis pour les droits à tout le monde, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais peut-être le problème, c'est de cette espèce de mobilité, cette espèce de modernité qui est venue mélanger un peu tout et qui fait que maintenant, ben voilà, on se... Vous voyez ce que à quoi un peu, ça vous fait référence à quoi quand je dis ça? Mais pour moi, par rapport à ce que tu disais au tout début, quand tu disais, voilà, on est dans un village, on meurt dans un village, oui, mais je crois aussi que de tout temps, l'homme a voyagé. Je crois que c'est naturel. Pas tout le monde. Mais... Pas tout le monde. C'était rare personne, eh ben, les gens du voyage. Non, pas seulement, il y avait des gens qui étaient commerçants, qui, enfin, je veux dire, c'est... Et au-delà de ça, c'est, pour moi, c'est juste... En fait, je crois qu'il y a une grande différence entre voyager pour voyager et savoir que tu ne peux pas aller dans certains endroits. Pour moi, c'est vraiment différent de dire je voyage pas parce que c'est pas nécessaire, parce que je suis bien là où je suis et voilà. Et puis voyager et puis te dire je ne peux pas aller dans certains endroits. Et moi, je crois que c'est ça aussi qui est compliqué quand on est africain aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller comme on veut, en tout cas. Mais c'est ça que je veux dire, en fait, c'est que allez, essaye de te mettre Tu nais dans un village, tu meurs dans ton village, mais tu n'avais pas cette notion-là. C'est comme aussi un peu l'air du temps, le voyage. Alors, comme tu dis, oui, c'est vrai, il y a Marco Polo qui a voyagé, il y a les colons qui ont voyagé pour décapiter les gens, l'esclavage et compagnie. Et puis, évidemment, tu as les commerces, mais la grosse masse de gens, elle n'était pas aussi mobile que nous. Nous, on n'arrête pas de parler de voyage. Alors imagine que l'Africain, il a aussi envie de faire partie du bazar, voilà. Je crois que les temps évoluent et en effet aujourd'hui, avec rien du tout comme argent, on peut voyager. Et nous, en tant qu'Européens, en tout cas, on voyage comme on veut. Alors, est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose? Moi, j'ai plutôt tendance à me dire que d'aller voir ailleurs, ça peut être une source d'enrichissement. C'est en fonction des époques. Les époques évoluent et là, on est dans une époque où, en effet, les technologies permettent qu'on voyage facilement et rapidement. Et si eux ont envie de le vivre aussi, parce que ça leur parvient aussi à eux, comme on disait dans les médias et tout ça, pourquoi eux pas, en fait? Mais parce que l'argent ne suit pas. Si ces gens avaient les moyens de prendre un billet comme ça, et je veux dire, regarde, nous, on n'est pas spécialement riches, mais on peut voyager. Mais pourquoi? Pourquoi ces gens ne pourraient pas non plus y participer? Est-ce que ce n'est pas l'aspect, on en revient au début de notre conversation, à l'aspect économique, quoi? Mais moi, j'aurais bien souligné aussi que le voyage que je peux faire pour mon plaisir, c'est un voyage de curiosité et tout. Donc, voilà, il y a d'autres raisons aussi qui me poussent à voyager, mais je sais qu'à un certain moment, je vais rentrer chez moi. Et ça... ça m'amène quand même à vivre le voyage d'une manière totalement différente. Si j'imaginais, en fait, de voyager pour aller en Afrique et rester là-bas, ça changerait énormément. Mais énormément. Tu m'étonnes. Mais quelle place je pourrais avoir? Déjà, je ne sais pas exactement quelle est ma place ici, parce que c'est un peu compliqué. Je suis italienne, mais je suis en Europe. Donc, ça va encore. Je comprends plus ou moins quelle peut être ma place, on va dire. Mais sinon, oh là là, c'est vraiment immensément difficile, quoi. Mais c'est super comme exemple. C'est super comme exemple. C'est vrai que tu voyages pour faire de la connaissance, de la nourriture, partager, regarder une autre culture, mais tu sais que tu vas revenir chez toi. Tandis que eux, ils misent tout sur là-bas. C'est quand même pas du tout la même démarche. Hein. Et de nouveau, point d'interrogation, moi j'aime bien essayer de comprendre les choses. Pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que c'est quand même pas l'aspect économique qui vient à nouveau chaque fois souligner ça? Mais derrière l'aspect économique, qu'est-ce qu'il y a? Moi je pense par exemple, moi je viens de l'Italie, je suis venue en Europe. C'est autre chose. Hein. Mais je suis partie... parce que j'avais besoin de travailler, je ne trouvais plus de travail, mais le travail pour moi n'était pas seulement une question de gagner de l'argent, mais de me pouvoir regarder aussi au miroir tous les matins. C'est une manière de se réaliser aussi, de se sentir utile, hein, de faire quelque chose en fait qui a du sens. Voilà, donc c'est une question de l'argent, sûrement c'est une question de l'argent, mais derrière l'argent, il y a aussi, et autour de l'argent, il y a aussi d'autres questions qui sont vraiment très complexes, en fait. Mais c'est intéressant, toi, t'as quitté l'Italie parce que tu ne trouvais pas de travail, c'est ça que tu dis, là-bas? Oui, non, pas du tout, mais je veux pas... Voilà, mais non, c'est intéressant. Parce que je crois que quand on parle en fait des sujets qui sont assez complexes et tout, c'est bien aussi de pouvoir comprendre dans notre petite expérience personnelle, parce que sinon, le risque est toujours de voir les problèmes comme un truc ailleurs. Mais c'est bien aussi de pouvoir en fait comprendre, ok, c'est quand même une autre histoire, c'est quand même une autre... mais... Voilà, c'est bien quand même de voir en nous, effectivement, quels sont les problèmes. Et voilà, après, c'est pas la même chose, mais voilà. Mais je voulais, pas trop... T'es pas trop à l'aise de parler de toi ou... Non, c'est juste qu'il y a des problèmes qui sont vachement plus... En fait, moi, je suis trop bien ici, je suis très contente et j'ai une famille qui peut quand même me soutenir et tout, donc ça va. Mais voilà, je voulais pas, en fait... directionner les problèmes sur autre chose ou voilà. Les choses se font naturellement, on discute comme ça, on essaie de comprendre le film de Sarah et ses copains et ça parle d'Afrique, de voyage, d'argent et du coup, enfin tu vois, si t'es à l'aise de parler de ça, quoi, toi tu arrives ici et t'es contente d'être ici, mais c'est génial. Ah ouais, moi je suis super contente. Il y a pas mal de choses qui me manquent quand même, hein, comme par exemple le soleil, mais ça va quand même. Non, je parlais de ça avec un copain sénégalais qui habite à Bruxelles. À un certain moment, il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi en Europe, et surtout ici à Bruxelles, il y a pas mal d'Européens qui viennent de différents pays, genre de l'Italie, de l'Espagne, mais vous êtes bien, je ne comprends pas pourquoi tu es venu ici à Bruxelles. Et moi, j'ai dit, écoute, Je sais que ça, c'est difficile et je ne veux pas faire une comparaison entre pourquoi je suis ici et pourquoi toi, tu es ici. Parce que, voilà, je comprends, il y a vraiment des raisons totalement différentes et tout. Mais écoute, toi, pourquoi tu es venu ici à Bruxelles? Et lui, il m'a dit, voilà, parce qu'il n'y avait pas de travail. Et moi, je t'ai dit, je te promets, c'est vraiment la même chose. Moi, je n'arrivais plus à trouver un travail en Italie. Et à un certain moment, il m'a regardé, il a dit, ah bon? J'ai dit, tu vois, après, voilà, c'est complexe et tout, mais je pense qu'on est arrivé à un moment où on comprend encore mieux pourquoi on décide de se déplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'essaye de suivre, hein, j'essaye de suivre. Ouais. Tu dis, j'ai suivi jusque... Donc tu quittes l'Italie, tu rencontres un gars qui est aussi habite Bruxelles, tu lui demandes pourquoi il habite Bruxelles, pour le travail. Parce qu'en fait, pour lui, il était... En fait, il m'a dit, mais pourquoi il y a tellement beaucoup d'Européens qui sont venus ici à Bruxelles, genre, il a vu pas mal d'Italiens, d'Espagnols, voilà, et ils sont bien, ils sont pas bien chez eux, aussi. Oui, et il m'a dit, ils sont pas bien chez eux, et moi je dis, bah, oui, mais moi je suis ici parce qu'en fait, en Italie, il n'y avait plus de boulot, tu vois, et alors, à un certain moment, même si pour des raisons différentes, on est ici à Bruxelles, on va dire, pour la même raison, entre alors, guillemets. Oui, alors que c'est pas forcément c'est pas... vrai. Vous dites que vous êtes ici, alors que ce n'est pas forcément ça les causes. C'est ça que tu dis ou... Non, c'est juste que, qu'on soit d'Afrique ou d'Europe, finalement, ils se retrouvent tous les deux à Bruxelles pour les mêmes raisons, pour trouver un boulot. Et que finalement, de venir d'un autre continent ou de venir d'un pays européen, ben, ils se retrouvent à Bruxelles pour les mêmes raisons. C'est ça que tu veux dire? Oui, mais voilà. Voilà, oui, parce que je ne veux pas... voilà. En quoi? Avec des histoires et des départs totalement différents, hein, voilà. Mais c'est hallucinant quand on discute comme ça, parce que dans le pays, tu connais un peu la Belgique, Bruxelles et tout ça, on dit que les gens n'ont pas de travail, que c'est la galère, que... Mais alors c'est quoi cette histoire? On est dans la vie réelle, hein. Toi, tu as trouvé, tu quittes l'Italie et tu as trouvé du travail ici en Belgique. Mais quand j'entends parler de la crise ici à Bruxelles, quand je suis arrivée, j'ai déjà entendu tout de suite parler de la crise et tout. Et je me suis dit, oh là là, oui, j'imagine que c'est déjà la crise ici, mais en Italie, on la vit encore. Voilà. Plus forte. On la vit encore. Plus fort, je crois. Voilà. Et... En Espagne et en Grèce, c'est la catastrophe. Ouais. C'est juste l'horreur. Et c'est des pays européens. Hein. Oui, en Espagne et en Grèce, c'est très, très, très rude. Il y a la moitié des jeunes qui n'ont pas de boulot, quoi. Enfin, en Espagne et en Grèce, c'est encore pire. Donc, oui. Et j'aimerais bien aussi insister sur le fait que c'est le boulot, c'est l'argent, mais c'est aussi avant de parler des crises économiques, je crois qu'il y a, ou après, je ne sais pas, il y a quand même un aspect de la crise qui est encore plus fort, et c'est la crise vraiment psychologique des gens qui, à un certain moment, ont étudié beaucoup, ils ont pas mal de rêves et tout, et à un certain moment, après avoir étudié, ils peuvent... Voilà, il n'y a pas de possibilité, c'est tout, quoi. Et après, tu rêves plus. C'est juste que tu dois trouver un boulot dans n'importe quel domaine et tu y vas et voilà, c'est tout. Donc, et à un certain moment, tu ne comprends plus, tu penses que c'est ta faute, tu dis, mais je ne trouve pas un boulot, peut-être que c'est moi, peut-être que je ne suis pas assez pour le système et tout. Et c'est ça, en fait, l'aspect qui vraiment détruit les gens. Et c'est pour ça que je disais, ok, on se déplace, Afrique, Europe et tout, l'argent et tout, mais j'imagine qu'il y a un aspect aussi qui est lié vraiment à la psychologie de la personne, en fait. Parce que, voilà, les boulots, ou quand même le fait de... C'est aussi une réalisation de soi, de notre capacité, de notre... oui, vous voyez. C'est super ce que tu dis. Oui, évidemment, derrière l'aspect économique, c'est aussi l'aspect de fierté, l'aspect de l'estime de soi, l'aspect de se rendre utile, évidemment, tout ça. Oui, c'est justement ça ce que je voulais dire. C'est vraiment un exemple, un bon... Merci, hein. De donner, c'est vrai, ça pose... Sarah, qu'est-ce que tu penses de tout ça, là? Mais Moi, je trouve ça super intéressant de rapprocher ça à nous, en fait, parce qu'en effet, au sein de l'Europe, il y a beaucoup de choses à aborder aussi, et il y a des films à faire là-dessus aussi. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est que les gens viennent quand même en Europe, quoi. Enfin, ça voudrait dire quoi ? Enfin, en tout cas, ici, on va parler de la Belgique, hein, puisqu'on est en Belgique, Bruxelles et ses alentours. Donc, ça voudrait dire que pour le moment, la Belgique n'est pas encore en... C'est quoi ton regard par rapport à ça ? Ça voudrait dire quoi, que la Belgique... Mais on ne sait pas qui tu es, on ne sera jamais qui tu es. Hein. C'est juste une pensée. C'est juste, voilà, c'est un aperçu d'une personne qui vient d'un contexte et qui débarque dans un autre contexte. Et dans ces contextes, il y a encore une vivacité culturelle. Et quand il y a une vivacité culturelle, ça veut dire, selon moi, qu'on se sent encore plus ou moins bien. Après, je ne sais pas, hein, c'est juste mon aperçu. Et quand tu sens qu'en fait, tu peux faire quelque chose, pour moi, ça va. C'est bon signe. C'est un bon signe, selon moi. Ouais. Voilà. Et donc toi, tu sens cette vivacité culturelle, comme tu parles. Tu le sens. Oui, je le sens énormément. Et c'est ça, en fait, qui me rend... En fait, l'effet de pouvoir... d'avoir beaucoup de possibilités, de savoir que je peux faire quelque chose. C'est ça pour moi l'essence, en fait. Et ce qui m'a vraiment cassé les jambes et tout en Italie, c'était qu'à un certain moment, je rêvais, j'avais pas mal de projets. Et quand j'ai parlé, il y avait pas mal des gens qui me disaient « Oui, mais écoute, tu vis avec quoi ?» Voilà, c'est vraiment genre, ok, c'est important, mais ça n'a pas vraiment beaucoup de sens parce que c'est pas ça qui te permet en fait de gagner ta vie et de manger, quoi. Je n'ai pas suivi ce que tu dis là. Refais l'exemple parce que je ne comprends pas en fait ce que tu veux dire. Moi, je suis une personne qui aime bien voir l'essence de ce qu'elle fait et j'ai pas mal de projets. Ouais. Et souvent, les projets qu'on a ne sont pas tout de suite... on n'est pas trop salarié pour ça. Voilà, c'est pas un boulot. Et en Italie, quand ta famille t'écoute et toi tu parles de tes projets et te regarde et tu dis oui, mais après demain, tu manges avec quoi ? Voilà, ça c'est une question. Et c'est sûr que je me la pose tous les jours, même ici, mais je vois que je peux manger avec quelque chose et donc je peux quand même avancer avec mes projets aussi et même penser qu'un jour je peux gagner ma vie avec mes projets. Et ça, c'est une opportunité super, quoi. Ben voilà, c'est ça qui fait la différence, selon moi, entre la réalité que j'ai quittée, provisoirement ou pas, temporairement ou pas, et la réalité que je vis ici. Si j'ai bien compris, c'est genre, tu es là-bas, et là-bas, on aurait tendance à te casser, même au niveau peut-être de ta famille, c'est ça, alors que tu expliques plus, et que, par exemple, ici, ben, tu as la liberté d'être, on te casse pas et tu peux continuer à rêver, quoi. C'est ça, un peu. Mais la famille, c'est juste un exemple pour dire l'entourage, quoi. La société, la ville dans laquelle... Financièrement, il y a moins d'aide là-bas, en fait, pour la culture. Mais on peut compter sur le nouveau gouvernement pour supprimer les aides ici aussi, maintenant. Apparemment, il va y avoir des coupes. Mais c'est marrant parce que j'ai vécu pendant un an avec une coloc grecque en France l'an dernier. Et qui, elle aussi, tombait des nues quand elle voyait les sommes d'argent que la France avait pour le cinéma. Ou pour, elle était effarée, quoi. Chez elle, c'est juste pas possible. Enfin, faire un film en Grèce, aujourd'hui, c'est la mission du combattant. Il faut s'allier, de toute façon, avec un pays étranger comme la France, qui a de l'argent. Parce que sinon, tu peux pas faire ton film, quoi. Et c'est vrai que par rapport à ça, je comprends ce que tu dis par rapport à la Belgique et par rapport à l'Italie. Parce que moi, je vois comment ça se passe en Espagne aussi, par mes parents. Et là, c'est la catastrophe. Il y a énormément de jeunes qui ne savent même pas comment... Oui, qui en effet, en plus, je crois qu'on est aussi d'une génération qui a pu faire des études, comme tu disais, qui a eu le choix, qui, là où, en tout cas, mes parents n'ont pas eu le choix. Ils ont commencé à travailler, ils avaient 18 ans. Moi, j'ai été à l'école, j'ai fait des études. Et quelque part, du coup, on a aussi un milieu... On a grandi dans l'idée qu'on allait pouvoir se réaliser, en fait. Et... Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à se réaliser, c'est une vraie frustration parce qu'on se dit, mais mince, j'ai... en plus mes parents, ils m'ont donné toutes les chances et j'ai la chance de pouvoir faire ça et je veux que ça ait un sens. Et quand on se rend compte que ça ne marche pas, j'imagine que c'est frustrant et qu'on a envie d'aller le chercher ailleurs. Et... Oui. Et souvent, c'est ça le... en fait, la discussion que j'ai même avec mes parents. En fait, c'est... J'ai passé pas mal de temps à étudier, à avoir pas mal de rêves, de projets dans ma tête, la réalisation de moi, de ce que j'aime bien faire et tout. Et puis à un certain moment, mes parents m'ont poussé à accepter tout de suite un travail qui ne me convenait pas du tout. Et moi, je me disais, mais écoutez, pourquoi alors j'ai étudié pour pas mal d'années, pourquoi je me suis raconté qu'après, je pouvais effectivement mettre en pratique ce que j'avais vraiment acquis, voilà. Mais après, la réponse est que voilà, il faut gagner sa vie et donc il y a un certain moment, il faut accepter un travail et c'est tout, quoi. Même si c'est même contraire un peu à l'éthique. Moi, je parle d'éthique parce que quand on étudie, on a pas mal de valeurs. Après, les valeurs sont toujours les mêmes, ils changent un petit peu, ils sont un peu plus adaptés à la réalité, quoi. Mais pourquoi je dois accepter en fait un travail qui est un peu, voilà, contre tout ce que j'ai un peu... comment on dit en français, qui m'anime. Oui, voilà, juste parce que tu dois gagner ta vie, voilà. Donc c'est ça un peu la discussion qu'on a souvent, que j'ai souvent avec ma famille aussi, voilà. Gros dilemme tout ça. Bon ben on va boucler toutes ces discussions. Donc Sarah, merci pour ton film. Ça, tu vois tout ce que ça a permis, mais je suppose que tu as l'habitude de ces discussions après le film, blablabli. C'est passionnant, je trouve ça passionnant, et d'avoir fait le lien avec l'Europe, c'est passionnant aussi, ouais. Parce que ces questions-là, elles sont beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Oui, de plus en plus, quoi, elles se rapprochent de plus en plus aussi. Et bah, c'est comme un lundi, le nom de ton assos. Il y a des références que tu peux nous faire partager pour aller voir d'autres films, peut-être. Mais donc, il y a le site www.commalindi.be et donc on fait des ateliers avec des jeunes en décrochage scolaire pour le moment et on se lance dans des nouveaux projets de films aussi en Belgique notamment. Donc voilà. Et pourquoi Comme un lundi ? Mais en fait, ici, on a pris beaucoup de temps à se décider sur le nom de notre association et on faisait toutes nos réunions le lundi. Et il y a cette horrible expression « comment tu vas ?» Bah, comme un lundi, avec une mine dépitée. Et on avait envie de changer cette expression-là en se disant « mais il y a tellement de choses à faire, on est en début de semaine, tout est possible. » Donc voilà, comme un lundi. Et est-ce que ça a changé la dynamique dans votre groupe quand on dit « comme un lundi » ? Bah, maintenant, on fait des ateliers le lundi en plus dans une école et à chaque fois, ils nous voient... Comment ça va? Oh, comme un lundi! Ils sont tout contents, donc ouais. Merci à toi. Je ne sais pas si je peux donner ton nom ou ton prénom. Ah oui. Comment Francesca? Oui, j'ai pas des références, juste Francesca et c'est tout. Francesca.b.it. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour ton témoignage. Hein. Merci à vous.